Génie du christianisme de François-René de Chateaubriand. Troisième partie. Beaux-arts et littérature. Livre 1. Beaux-arts. Chapitre 1er. Musique. De l'influence du christianisme dans la musique. Frères de la poésie, les beaux-arts vont être maintenant l'objet de nos études. Attachés aux pas de la religion chrétienne, ils la reconnurent pour leur mère aussitôt qu'elle parut au monde. Elles lui prêtèrent leur charme terrestre, elle leur donna sa divinité. La musique nota ses chants, la peinture la représenta dans ses douloureux triomphes. La sculpture se plut à rêver avec elle sur les tombeaux, et l'architecture lui bâtit des temples sublimes et mystérieux comme sa pensée. Platon a merveilleusement défini la nature de la musique. « On ne doit pas, dit-il, juger de la musique par le plaisir, ni rechercher celle qui n'aurait d'autre objet que le plaisir, mais celle qui contient en soi la ressemblance du beau. » En effet, la musique, considérée comme art, est une imitation de la nature. Sa perfection est donc de représenter la plus belle nature possible. Or, le plaisir est une chose d'opinion, qui varie selon les temps, les mœurs et les peuples, et qui ne peut être le beau, puisque le beau est un et existe absolument. De là, toute institution qui sert à purifier l'âme, à en écarter le trouble et les dissonances, à y faire naître la vertu, est, par cette qualité même, propice à la plus belle musique, ou à l'imitation la plus parfaite du beau. Mais si cette institution est en outre de nature religieuse, elle possède alors les deux conditions essentielles à l'harmonie, le beau et le mystérieux. Le chant nous vient des anges, et la source des concerts est dans le ciel. C'est la religion qui fait gémir au milieu de la nuit la vestale sous ses dômes tranquilles. C'est la religion qui chante si doucement au bord du lit de l'infortuné. Jérémie lui dut ses lamentations, et David ses pénitences sublimes. Plus fière, sous l'ancienne alliance, elle ne peignit que les douleurs de monarques et de prophètes. Plus modeste et non moins royale, sous la nouvelle loi, ses soupirs conviennent également aux puissants et aux faibles, parce qu'elle a trouvé dans Jésus-Christ l'humilité unie à la grandeur. Ajoutons que la religion chrétienne est essentiellement mélodieuse, par la seule raison qu'elle aime la solitude. Ce n'est pas qu'elle soit ennemie du monde, elle s'y montre au contraire très aimable. Mais cette céleste Philomèle préfère les retraites ignorées. Elle est un peu étrangère sous les toits des hommes. Elle aime mieux les forêts, qui sont les palais de son père et son ancienne patrie. C'est là qu'elle élève la voix vers le firmament, au milieu des concerts de la nature. La nature publie sans cesse les louanges du Créateur. Il n'y a rien de plus religieux que les cantiques que chantent avec les vents, les chênes et les roseaux du désert. Ainsi le musicien, qui veut suivre la religion dans ses rapports, est obligé d'apprendre l'imitation des harmonies de la solitude. Il faut qu'il connaisse les sons que rendent les arbres et les eaux. Il faut qu'il ait entendu le bruit du vent dans les cloîtres, et ces murmures qui règnent dans les temples gothiques, dans l'herbe des cimetières et dans les souterrains des morts. Le christianisme a inventé l'orgue et donné des soupirs à l'airain même. Il a sauvé la musique dans les siècles barbares, là où il a placé son trône, là s'est formé un peuple qui chante naturellement comme les oiseaux. Quand il a civilisé les sauvages, ce n'a été que par des cantiques. Et l'Iroquois, qui n'avait point cédé à ses dogmes, a cédé à ses concerts. Religion de paix, vous n'avez pas, comme les autres cultes, dicté aux humains des préceptes de haine et de discorde. Vous leur avez seulement enseigné l'amour et l'harmonie. Chapitre 2 du chant grégorien. Si l'histoire ne prouvait pas que le chant grégorien et le reste de cette musique antique, dont on raconte tant de miracles, il suffirait d'examiner son échelle pour se convaincre de sa haute origine. avant Guy Arétin, elle ne s'élevait pas au-dessus de la quinte, en commençant par luth, ré, mi, fa, sol. Ces cinq tons sont la gamme naturelle de la voix et donnent une phrase musicale pleine et agréable. M. Burette nous a conservé quelques airs grecs. En les comparant au plein chant, on y reconnaît le même système. La plupart des psaumes sont sublimes de gravité, particulièrement le « Dixit Dominus Domino Meo », le « Confitebor Tibi » et le « Laudate Pueri ». L'inexitu, arrangé par Rameau, est d'un caractère moins ancien. Il est peut-être du temps de l'ut queant laxis, c'est-à-dire du siècle de Charlemagne. Le christianisme est sérieux comme l'homme, et son sourire même est grave. Rien n'est beau comme les soupirs que nos mots arrachent à la religion. L'office des morts est un chef-d'œuvre. On croit entendre les sourds retentissements du tombeau. Si l'on en croit une ancienne tradition, le « chant qui délivre les morts », comme l'appelle un de nos meilleurs poètes, est celui-là même que l'on chantait aux pompes funèbres des Athéniens, vers le temps de Périclès. Dans l'office de la Semaine Sainte, on remarque la passion de saint Matthieu. Le récitatif de l'historien, les cris de la populace juive, la noblesse des réponses de Jésus, forment un drame pathétique. Pergolèse a déployé dans le Stabat Mater la richesse de son art. Mais a-t-il surpassé le simple chant de l'Église ? Il a varié la musique sur chaque strophe, et pourtant le caractère essentiel de la tristesse consiste dans la répétition du même sentiment, et pour ainsi dire dans la monotonie de la douleur. Diverses raisons peuvent faire couler les larmes, mais les larmes ont toujours une semblable amertume. D'ailleurs, il est rare qu'on pleure à la fois pour une foule de maux, et quand les blessures sont multipliées, il y en a toujours une plus cuisante que les autres, qui finit par absorber les moindres peines. Telle est la raison du charme de nos vieilles romances françaises. Ce chant pareil, qui revient à chaque couplet sur des paroles variées, imite parfaitement la nature. L'homme qui souffre promène ainsi ses pensées sur différentes images, tandis que le fond de ses chagrins reste le même. Pergolèse a donc méconnu cette vérité qui tient à la théorie des passions. Lorsqu'il a voulu que pas un soupir de l'âme ne ressemblât au soupir qui l'avait précédé. Partout où il y a variété, il y a distraction. Et partout où il y a distraction, il n'y a plus de tristesse. Tant l'unité est nécessaire au sentiment, tant l'homme est faible dans cette partie même où gît toute sa force, nous voulons dire, dans la douleur. La leçon des lamentations de Jérémie porte un caractère particulier. Elle peut avoir été retouchée par les modernes, mais le fond nous en paraît hébraïque, car il ne ressemble point aux airs grecs du plein chant. Le Pentateuque se chantait à Jérusalem comme des bucoliques, sur un mode plein et doux. Les prophéties se disaient d'un ton rude et pathétique, et les psaumes avaient un mode extatique qui leur était particulièrement consacré. Ici, nous retombons dans ces grands souvenirs que le culte catholique rappelle de toutes parts. Moïse et Homère, le Liban et le Cithéron, Solyme et Rome, Babylone et Athènes ont laissé leurs dépouilles à nos autels. Enfin, c'est l'enthousiasme même qui inspira le Te Deum. Lorsque, arrêté sur les plaines de Lens ou de Fontenoy, au milieu des foudres et du sang fumant encore, aux fanfares des clairons et des trompettes, une armée française, sillonnée des feux de la guerre, fléchissait le genou et entonnait l'hymne aux dieux des batailles, ou bien, lorsqu'au milieu des lampes, des masses d'or, des flambeaux, des parfums, au soupir de l'orgue, au balancement des cloches, au frémissement des serpents et des basses, cet hymne faisait résonner les vitraux, les souterrains et les dômes d'une basilique. Alors, il n'y avait point d'homme qui ne se sentît transporté, point d'homme qui n'éprouvât quelque mouvement de ce délire, qui faisait éclater Pindare au bois d'Olympie, ou David au torrent de Cédron. Au reste, en ne parlant que des chants grecs de l'Église, on sent que nous n'employons pas tous nos moyens, puisque nous pourrions montrer les Ambroises, les Damases, les Léons, les Grégoires, travaillant eux-mêmes au rétablissement de l'art musical. Nous pourrions citer ces chefs-d'œuvre de la musique moderne composés pour les fêtes chrétiennes, les Vinci, les Léo, les Haas, les Galuppi, les Durante, élevés, formés ou protégés dans les oratoires de Venise, de Naples, de Rome et à la cour des souverains pontifes.